Chapitre 22e, où Mademoiselle Oliva commence à se demander ce que l'on veut faire d'elle. Si M. Bossier eût bien voulu s'en rapporter à ses yeux qui étaient excellents, au lieu de faire travailler son esprit que tout aveuglait alors, M. de Bossier se fût épargné beaucoup de chagrin et de déception. En effet, c'était bien Mademoiselle Oliva qu'il avait vue dans le carrosse, aux côtés d'un homme qu'il n'avait pas reconnu en ne le regardant qu'une fois, et qu'il eût reconnu en le regardant deux fois. Oliva, qui le matin avait été comme d'habitude faire sa promenade dans le jardin du Luxembourg, et qui, au lieu de rentrer à 2 heures pour dîner, avait rencontré, accosté, questionné cet étrange ami qu'elle s'était fait le jour du bal de l'opéra. En effet, au moment où elle payait sa chaise pour revenir et souriait au cafetier du jardin dont elle était la pratique assidue, Cagliostro, débouchant d'une allée, était accouru vers elle et lui avait pris le bras. Elle poussa un petit cri. « Où allez-vous » dit-il. « Mais rue Dauphine, chez nous. »« Voilà qui va servir à souhait les gens qui vous y attendent, » repartit le seigneur inconnu. « Des gens qui m'attendent ? Comment cela ? Mais personne ne m'attend. »« Oh, si fait ! Une douzaine de visiteurs, à peu près. »« Une douzaine de visiteurs ?» s'écria Oliva en riant. « Pourquoi pas un régiment, tout de suite ?»« Ma foi, c'eût été possible d'envoyer un régiment rue Dauphine, qu'il y serait. »« Vous m'étonnez. » Je vous étonnerai bien plus encore si je vous laisse aller rue Dauphine, parce que vous y serez arrêté, ma chère. Arrêté, moi, assurément. Ces 12 messieurs qui vous attendent sont des archers expédiés par Monsieur de Crone. Oliva frissonna. Certaines gens ont toujours peur de certaines choses. Néanmoins, se raidissant après une inspection de conscience un peu plus approfondie, je n'ai rien fait, dit-elle. Pourquoi m'arrêterait-on? Pourquoi arrête-t-on une femme? Pour des intrigues, pour des niaiseries. Je n'ai point d'intrigue. Vous en avez peut-être bien eu ? Oh, je ne dis pas. Bref, on a tort sans doute de vous arrêter, mais on cherche à vous arrêter, c'est le fait. Allons-nous toujours, Dauphine ? Oliva s'arrêta, pâle et troublée. Vous jouez avec moi comme un chat avec une pauvre souris, dit-elle. Voyons, si vous savez quelque chose, dites-le-moi. N'est-ce pas beau sire qu'on en veut ? Elle arrêtait sur Cagliostro un regard suppliant. « Peut-être bien. Je le soupçonnerais d'avoir la conscience moins nette que vous. Pauvre garçon, plaignez-le, mais s'il est pris, ne l'imitez pas en vous laissant prendre à votre tour. Mais quel intérêt avez-vous à me protéger? Quel intérêt avez-vous à vous occuper de moi? Tenez, fit-elle hardiment, ce n'est pas naturel qu'un homme tel que vous. N'achevez pas, vous diriez une sottise. Et les moments sont précieux, parce que les agents de M. de Crone, ne vous voyant pas rentrer, serait capable de venir vous chercher ici. Ici, on sait que je suis ici. La belle affaire de le savoir, je le sais bien, moi. Je continue. Comme je m'intéresse à votre personne et vous veux du bien, le reste ne vous regarde pas. Vite, gagnons la rue d'enfer. Mon carrousse vous y attend. Ah, vous doutez encore? Oui. Eh bien, nous allons faire une chose assez imprudente, mais qui vous convaincra une fois pour toutes, j'espère. Nous allons passer devant votre maison dans mon carrosse, et quand vous aurez vu ces messieurs de la police d'assez loin pour n'être pas prise, et d'assez près pour juger de leur disposition, eh bien, alors vous estimerez mes bonnes intentions ce qu'elles valent. » En disant ces mots, il avait conduit Oliva jusqu'à la grille de la rue d'Enfer. Le carrosse s'était rapproché, avait reçu le couple et conduit Cagliostro et Oliva dans la rue Dauphine, à l'endroit où Bossir les avait aperçus tous deux. Certes, s'il eût crié à ce moment, s'il eût suivi la voiture, Olivia eut tout fait pour se rapprocher de lui, pour le sauver, poursuivi, ou se sauver avec lui, libre. Mais Cagliostro vit ce malheureux, détourna l'attention d'Oliva en lui montrant la foule qui déjà s'attroupait par curiosité autour du guet. Du moment où Oliva eut distingué les soldats de la police et sa maison envahie, elle se jeta dans les bras de son protecteur avec un désespoir qui eût attendri tout autre homme que cet homme de fer. Lui se contenta de serrer la main de la jeune femme et de la cacher elle-même en abaissant le store. « Sauvez-moi, sauvez-moi » répétait pendant ce temps la pauvre fille. « Je vous le promets, » dit-il. « Mais puisque vous dites que ces hommes de police savent tout, ils me trouveront toujours. Non pas, non pas. À l'endroit où vous serez, nul ne vous découvrira, car si l'on vient vous prendre chez vous, on ne viendra pas vous prendre chez moi. « Oh » fit-elle avec effroi. « Chez vous, nous allons chez vous. Vous êtes folle, » répliqua-t-il. « On dirait que vous ne vous souvenez plus de ce dont nous sommes convenus. Je ne suis pas votre amant, ma belle, et ne veux pas l'être. alors c'est la prison que vous m'offrez. Si vous préférez l'hôpital, vous êtes libre. Allons, répliqua-t-elle épouvantée, je me livre à vous. Faites de moi ce que vous voudrez. Ils la conduisirent rue Neuf-Saint-Gilles, dans cette maison où nous l'avons vu recevoir Philippe de Tavernay. Quand il l'eut installée loin du domestique et de toute surveillance, dans un petit appartement au deuxième étage, il importe que vous soyez plus heureuse que vous n'allez être ici. Heureuse ? Comment cela ? Fit-elle le cœur gros. Heureuse ? Sans liberté ? Sans la promenade ? C'est triste ici. Pas même de jardin ? J'en mourrais. Il jetait un coup d'œil vague et désespéré sur l'extérieur. Vous avez raison, dit-il. Je veux que vous ne manquiez de rien. Vous seriez mal ici d'ailleurs, mais j'en finirais par vous voir et vous gêner. Ou par me vendre, ajouta-t-elle. Quant à cela, ne craignez rien. Mes gens ne vendent que ce que je leur achète, ma chère enfant. Mais pour que vous ayez toute la tranquillité désirable, je vais m'occuper de vous procurer une autre demeure. Oliva se montra un peu consolée par ses promesses. D'ailleurs, le séjour de son nouvel appartement lui plut. Elle y trouva l'aisance et des livres amusants. Son protecteur la quitta en lui disant « Je ne veux point vous prendre par la famine, cher enfant. Si vous voulez me voir, sonnez-moi. J'arriverai tout de suite, si je me trouve chez moi ou sitôt mon retour, si je suis sorti. » Il lui baisa la main et la quitta. « Ah ! Cria-t-elle, faites-moi surtout avoir des nouvelles de vos sires. » « Avant tout, lui répondit le comte, et il l'enferma dans sa chambre. Puis en descendant l'escalier, rêveur, « Ce sera une profanation que de la loger dans cette maison de la rue Saint-Claude. Mais il faut que nul ne la voie, et dans cette maison nul ne la verra. S'il faut, au contraire, qu'une seule personne l'aperçoive, cette personne l'apercevra dans cette seule maison de la rue Saint-Claude. Allons, encore ce sacrifice. Éteignons cette dernière étincelle du flambeau qui brûla autrefois. » Le comte prit un large surtout, chercha des clés dans son secrétaire, en choisit plusieurs, qu'il regarda d'un air attendri, et sortit seul à pied de son hôtel en remontant la rue Saint-Louis du Marais.